serai partout. Toi, c'est partout, tu seras endetté. Une bagarre, ça met des amendes. Peu de bénéfices, ça fait des commandes. Wesh, Mélo, dis-moi, c'est comment? Pareil que c'est vieux rappeur, je les mets à l'amende. Le petit allemand dans une grosse allemande. On est cinq, eux, ils viennent à 30. Que des frères, j'ai une vraie équipe. Si on l'air, si jamais tu te trompes. Le petit allemand dans une grosse allemande. On est cinq, eux, ils viennent à 30. Que des frères, j'ai une vraie équipe. Si on l'air, si jamais tu te trompes. Toute l'année, bah, ça gratte, gratte, gratte. Ramèche contre tous ces hâtes. Les foncés, ça attire les chattes. Les sous le gamo, ça sème la grosse marque. Pour manger, normal, ça te taxe. Le million, ça veut pas dire pack. Quand t'es bien, c'est normal, ça jacque. Fais un tour à Villefranche dans les douches, ça charme. Un enfer, sur mon son, ça pousse. T'as fumé la bombe, à tu tousses. Je suis connu dans le patelin à housse. Si je me mets de partout, on te met la picouse. Viens chez moi, on se fait 4 bisous. On est lyonnais comme Benzé. Des critiques, bah y'en a beaucoup. Apprécie ceux qui t'aiment et le reste baisé. Petit à petit, moi, je me fais un nom. Je souris comme un con. Je suis content, ça soutient à fond. Dis de pas lâcher que j'ai un don. C'est l'allemand dans une grosse allemande. On est cinq, ils viennent à 30. Que des frères, j'ai une vraie équipe. Si on l'air, si jamais tu te trompes. C'est l'allemand dans une grosse allemande. On est cinq, ils viennent à 30. Que des frères, j'ai une vraie équipe. Si on l'air, si jamais tu te trompes. Je suis de retour dans le game, ah oui. J'arrive lourd comme Oussem Aouar. C'est comme d'hab, je m'en bats les clés, oui. Grosse caisse, grosse plaque, on nique les radars. T'es une chienne, non, t'as redable. Le bolide attire ton regard. C'est l'été, t'es endetté. Les ratus quand ils perdent direct, ils regardent. Et ce son, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours pour vous ambiancer. Plein de projets, des ambitions. Je dors pas, je lâche pas, moi je fais que penser. C'est la mode, ils sont pleins de cesse. Nous y'a pas de ça dans la tête. Ça pilote en état d'ivresse. Poursuit une chasse, finie dans la presse. C'est bientôt qu'il arrive l'album. Donne un rouge et t'auras la bombe. Six mois et tu connais les hommes. Y'a rien m'échappe que la portion donne. C'est l'allemand dans une grosse allemande. On est cinq, ils viennent à 30.